Donc, tu as accepté de répondre à nos questions pour la Gazette du Poitou sur le gratin dauphinois. Tout à fait. Peux-tu nous dire ce que c'est d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, le gratin dauphinois est un plat de pommes de terre typique de la région du Dauphiné, comme son nom l'indique. Assez simple à préparer et très prisé par les Dauphinois. Et tu peux nous dire un petit peu plus sur son histoire, Ah, son ses histoire origines? remonte à très très très très très longtemps. Il y a si longtemps déjà qu'on l'appelait Gratinus Dauphinus. Les Romains le préparaient fort mal, il paraît, hein, parce qu'ils n'avaient pas le matériel adéquat pour le faire. Mais on voyait déjà les prémices d'un grand plat se profiler. Et toi, comment tu l'as t'as appris à le faire? Alors, c'est ma grand-mère qui m'a appris à faire le gratin dauphinois. C'était le seul plat qu'elle savait préparer. Elle a eu beaucoup de peine pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, parce que pendant quelques années, elle n'a pas pu le préparer, faute de pommes de terre, de crème fraîche et de moyens aussi, de gaz et tout ça. Donc, dès que la guerre a été finie, comme elle avait beaucoup d'enfants, elle s'est remise à faire le gratin dauphinois avec beaucoup d'entrain. Et elle a légué donc à tous ses enfants et petits-enfants la joie et le plaisir de faire le gratin dauphinois. Donc pour toi, c'est plus qu'un plat. Oui, c'est un lien avec mes ancêtres, avec l'histoire, avec la France, en fait. Et quand est-ce que tu le prépares? Plutôt en hiver, parce qu'il faut quand même bien admettre qu'en été, c'est plus difficile à avaler. Donc j'attends qu'il fasse froid et dès que les frimas arrivent, je prépare le gratin. Et tu prépares souvent? Pas plus d'une fois par semaine, parce qu'après, ça fait beaucoup, quoi. C'est quand même un plat assez riche et une fois par semaine, c'est une fréquence qui semble honorable. D'accord. Et pour les ingrédients, tu les trouves où? Alors au marché, hein, parce que les pommes de terre du supermarché sont généralement pas très bonnes. Donc je vais me fournir chez mon primeur qui me sort des pommes de terre de derrière les fagots tout à fait tip-top. Je vais chez le crémier aussi acheter de la crème. Et il faut ajouter de l'ail et de la noix de muscade. Alors, c'est à peu près tout ce qu'il faut comme ingrédient. Après, il y a quelques petits ingrédients mystères dont je ne parlerai pas forcément. D'accord. Et pour la pomme de terre, il y a une pomme de terre spécifique qu'on Oui, mais utilise. alors j'ai complètement oublié son Ah. nom, donc je ne serais pas capable de dire exactement de quelle pomme de terre il s'agit. Celle qu'on utilise généralement pour la purée. Bah Non. justement non, Non. plutôt pour les gratins. Voilà qui répond à notre question. Donc, et pourquoi aimes-tu à préparer Pourquoi tu aimes préparer le gratin en fait? Tout simplement parce que c'est bon. J'imagine qu'il existe qu'il existe plusieurs écoles. Oui, alors la pire, c'est celle qui ajoute du fromage. Ça me semble totalement hérétique, mais d'aucuns prétendront que le gratin se prépare avec du fromage pour faire gratiner. Or, il n'en est rien. Le gratin doit gratiner sans fromage. Ah. C'est là son mystère. Et comment on fait? Ah, ça, Moi qui m'ai... c'est le D'accord. mystère. Et tu le sers avec quoi? Alors, soit de la charcuterie, soit de la salade, selon l'appétit en fait de mes invités ou de mes amis ou de la famille. C'est un plat que tu prépares pour la famille, pour tes invités, Ben pour tout le monde, pour tout le monde? la famille, les invités et les amis. Et il faut du matériel un peu spécial ou Alors, ça joue dans le... oui, en fait, il faut un plat à gratin. ça c'est essentiel. Si possible de bonne qualité, hein, en grès, c'est mieux. Et un four qui tienne la route un peu, qui soit capable de maintenir une température constante et de bonne qualité. Et pour ce qui est du coût? Alors c'est un plat peu onéreux, parce que comme c'est à base de pommes de terre, la pomme de ça terre... Un plat de pauvre. De pauvre un peu riche, parce que la noix de muscade, c'est pas donné quand même, mais il en faut très peu. Donc en achetant un peu de noix de muscade, tu peux faire plein de gratins.